va s'intéresser au Real Madrid, on va parler football, donc forcément, Alejandro Valente, le chef du service des sports, nous a rejoint. Bonjour Alejandro. Bonjour toi, bonjour à tous. Le Real Madrid de Zinedine Zidane. Alors, 39 matchs consécutifs sans défaite pour le Real Madrid. Et si le Real remporte le match ce soir face à Séville, le club madrilène dépassera alors le record des matchs sans défaite en Espagne, 40 matchs. C'est un beau succès pour Zinedine Zidane. Et on se souvient, et on en avait parlé ici dans cette émission il y a maintenant un an, Alejandro Valente, nombreux étaient ceux qui critiquaient Zidane. C'est vrai qu'il avait peu d'expérience d'entraîneur. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout lui réussit. Disons qu'il n'était pas critiqué, mais il y avait un peu des scepticismes, des sourires entendus. Est-ce qu'il serait vraiment à la hauteur? Aujourd'hui, force est de constater qu'il réussit. Alors, les explications sont nombreuses, hein, et évidemment, Zidane a su mettre à profit le fait qu'il connaissait quand même très bien cette équipe du Real Madrid, puisqu'il a été joueur, mais il avait aussi accompagné, que ce soit en tant qu'entraîneur adjoint ou en tant que conseiller du président ou en tant qu'entraîneur de l'équipe B, les entraîneurs qui s'étaient succédés depuis Mourinho, Ancelotti, puis Benitez. Donc, il connaissait les joueurs, il connaissait les problèmes du vestiaire, les égos de certains de ses joueurs, et il s'est révélé avant tout et en premier lieu un grand meneur d'hommes, quelqu'un qui a su mettre en confiance ses vestiaires, qu'on dit un peu versatiles, avec des inimitiés, des rivalités, des tensions. On se rappelle, avec Benitez, c'était quand même extrêmement tendu, notamment pour Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, et c'est vrai que les bons résultats y contribuent, le Real respire une certaine sérénité, et c'est quelque chose qu'on peut mettre effectivement au crédit des Zidane. Mais Zidane, c'est avant tout un tacticien ou plutôt un meneur d'hommes? Alors, moi, je pense, jusqu'à présent, il se révèle plutôt comme un meneur d'hommes, mais il faut reconnaître que sur le plan tactique, il a quand même réussi aussi des choses intéressantes, parce que tout n'a pas été si facile que ça. Lui, il dit souvent, quand on a les meilleurs joueurs, c'est facile, mais c'est pas facile. Enfin, il est humble, hein. On sait que Zinedine Zidane n'aime pas se mettre en avant. Hein. Voilà. Mais il a été privé pendant un certain nombre de semaines d'un joueur important comme Modric. Actuellement, il y a Gareth Bale, qui est aussi un joueur très important qui manque. Des joueurs comme Benzema, par exemple, dont les meilleurs d'eux-mêmes depuis que Zidane est là. Donc, on ne peut pas dire que c'est uniquement, comme on le dit souvent, il a beaucoup de chance. C'est vrai qu'il lui-même, il reconnaît, je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance. Et c'est vrai que dans les tirages au sort ou dans les fins des matchs, souvent, mais c'est aussi un peu la grinta des Zidane qui est pour quelque chose. Le Real gagne souvent dans les dernières minutes. Et ça, c'est aussi une preuve de combativité. On se rappelle, Zidane, le joueur, il aimait beaucoup gagné, il n'aimait pas du tout perdre, et son équipe est un peu à son image. En tout cas, le Real a eu raison de faire confiance à Zinedine Zidane.